Il y a aussi donc les différents versets que l'auteur nous a cités. وَقَدْ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui accordez aucun associé. Et donc le tawhid est obligatoire. Ce n'est pas recommandé, c'est obligatoire. Il est impératif de comprendre cela. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on va aborder le deuxième chapitre, bi'idhnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.